tout que je sens que je sers. Si je les écoute, c'est eux les bêtes qui pètent. Moi je suis pas que je suis le king, les gens pensent ce qu'ils veulent. Ils donnent plus de nouvelles, désolé pour tout, je reste seul. Trop de fils de m'emmerde, je vais là où le vent m'emmène. Et faut que j'ai pire, oui faut que j'ai pire. Même si c'est la pire, pire, pire, pire, pire. Et j'ai beau crier, le temps de pire. J'suis dans un film, film, film, film, film. Ça tue la merde, regarde où ça mène. La pluie, le sel, un jour c'est nul, un jour c'est fun. Tous les soirs ça tue à l'alcool, il bat vite encore la sol. Tous les jours une couille, où t'es maudit ou t'as pas de bol. Tous les soirs ça tue à l'alcool, il bat vite encore la sol. Tous les jours une couille, où t'es maudit ou t'as pas de bol. La compte de ton oncle, posé au soleil, seul. Plus tard, je me baignais les bonnes lots. Et que la personne que t'aimes, prends la confiance, bombe-le. Dans un sale délire, des rares délires. Du shit, de la beuh, du vol, de l'alcool. Moi, j'ai tout ça, j'ai du mal à m'endormir. Je pense au retrait qu'on m'a fait. Les gens qu'on parle et qu'on bavait. Ce que j'aurais dû faire, j'ai pas fait. Les gens que j'aurais dû pas fait. Perdu, alors ça va me charger dans le sac à main. On m'a dit, tu t'es beau, viens faire deux petits trucs la main. Le quartier police se la mettre pour des ramels. Il fait le mec qui fait le mec, après tout son quartier il ramène. Il disait que c'était sa folle, au final il s'est casé. Il disait qu'il aimait pas le shit, au final il s'est gazé. Il a fait peine, il s'est montré, au final il s'est fait raser. De sa tête il s'est mêlé, au final il s'est fait taser. Il fait le voyou, il fait le voyou, il a même pas un casier. Quand tu joues avec les flammes, dans le brasier, il a pas un il est ancien. Pourquoi vous m'aurez? Quand tu joues avec les folles, avec une tu finis marié. Il disait qu'il m'aimait pas, au final il m'a dégoûté. Moi je disais que j'aimais bien, au final il m'a dégoûté. A chaque soupir mon cœur s'éteint, je me décompresse, je reste à l'arrêt. Pété devant ma thèse, on voit des punchlines de taré. Ounanana, ounanana. L'hiver dans le bloc, fallait se bâcher. Qu'on s'aimait comme des amis, qu'on regrette de s'être caché, caché. La gloire que j'ai eue, pour moi reste un mystère. Heureusement que je t'apprécie, depuis que j'ai le buzz, elle me cherche ta sister. Le style m'a balayé, au sol je reste éveillé. J'ai pas trahi la Honda, j'ai pas bégayé. J'suis pas un traître, moi j'm'en tape de ta nana. Elle m'appelle un inconnu, mais t'inquiète, y'en a ta et j'en avais. À deux, alcool tête à queue. Si je t'aime à deux, qui m'ont ouvert les yeux et je m'en m'entraîne. C'est rien avant d'atteindre les cieux. Et vu que je partirai en homme, je veux qu'on m'appelle monsieur. Chanson pleine de si, je détourne avec des idées sales. Putain, c'est la merde, frère, on n'a pas décidé.